sont les pieds de Dieu, eh bien l'âme, l'ego, est un sable mouvant, un trou de merde, et les pieds de Dieu sont dedans. Et plus les pieds de Dieu vont bouger, plus le corps de Dieu risque de s'enfoncer jusqu'aux genoux, jusqu'à la taille, jusqu'au cou, jusqu'en dessous du nez, et finalement en avoir par-dessus la tête, absorbé par ce sable mouvant de merde de l'âme de l'ego. Je t'arrête là, c'est en plein ça. Quand il va tout rempli la place, ben on pitasse nous autres, hein, on t'est rendu en haut. Ah, c'est bien. Faut avoir hâte que ça arrive. Dieu est en phase d'évolution. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut continuer, mais jusque-là, c'est en plein ça. Puis quand Dieu se foire comme il faut dans le trou, il prend toute la place. Fait que nous, on se ramasse dehors. C'est comme si tu mets ta main dans un verre d'eau, ben quand ta main, tu te rentrais, l'eau tout dehors. Mais c'est pas absolument passer par cette étape-là. De remplir le... Non, il faut qu'on comprenne, que nous sommes passés par cette étape-là il y a de cela quelques milliards d'années. Donc, on n'a pas besoin de rechercher la merde. Non, on peut continuer à chialer pour rien. La merde, la rechercher, non. C'est sûr que le plan planétaire, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et pourquoi c'est pas ce qu'il y a de mieux? Parce que mentalement, on voit d'autres choses. Vers où on se dirige? Puis là, on se met à brailler tout de suite qu'on n'est pas déjà pas là. Après ça, ce qui arrive, c'est que l'intelligence te coupe le contact. C'est-à-dire que là, tu vois plus rien de où tu vas. Là, on se met encore à brailler. Ouais, mais pourquoi qu'on sait jamais qu'est-ce qui nous attend? Et quand on te le montre, ben là, tu te suicides. Quand on te le montre pas, tu chiales. On préfère que tu chiales. Fait que tous ceux qui, à un moment donné, ont des contacts avec des présciences, ceux qui ont de l'imagination, c'est des contacts, parce que l'humain invente rien. Ça existe quelque part, l'humain le prend là. Fait que tous ceux qui, à un moment donné, vont trop chialer, ben le contact va être coupé. C'est-à-dire qu'il y aura quelques visionnaires, quelques êtres humains qui vont rester préscients, qui vont diriger le reste. Le reste, ils auront de l'intelligence supramentale avec aucune vision, pour la simple raison que du moment qu'ils ont une vision, le temps qu'ils sont en phase de fusionnement ou de déterrification, ben ces humains-là, le moindrement qu'ils voient un peu quelque chose, ben immédiatement, ils crachent tout ce qu'ils ont. Mais ça, c'est quand tu as à peu près 80% ici, puis 20% là-bas. À un moment donné, tu peux être ici, mais être plus là-bas. Oui, mais là, tu souffres plus, là, tu te plains plus. Mais là, actuellement, c'est que l'humanité est... L'humanité est à 100% ou ce qu'il faut pas, enfin, dans l'humanité. Et tu as des individus qui ont 20%, 5%, 30%, un peu plus loin. Mais s'ils sont 100%, ils devraient pas chialer parce qu'ils connaissent... Ils sont pas 100%. Quand je parle d'humanité, ils chialent pas l'humanité. L'humanité, elle chiale pas contre ceci, cela. Elle veut pas se suicider. Elle veut conquérir l'autre pays. Elle veut pas céder le char du voisin. Elle chiale pas l'humanité. Donc, elle chiale entre elle-même parce que l'humanité, c'est chialeux. Mais ça, c'est pas un chialage évolutif. À un moment donné, l'humain, il parle de trou de boîte, de ci, de ça, c'est vrai. Si tu compares à la valeur que l'humain a dans l'avenir, ce qu'on a présentement ici, c'est pire que le Moyen Âge avec l'Inquisition. Sauf que c'est pas parce que maintenant tu vois où tu t'en vas qu'il faut que tu commences à gueuler. Moi, je vais m'acheter une automobile, et puis à un moment donné, je regarde les plans, puis en 1998, il y aura tel genre d'automobile sur le marché. Alors, je retourne voir mon concessionnaire, je donne la marge, je tire mon char en pleine face, c'est un maudit voleur, c'est un crosseur, hey, il va avoir 198, moi je vais l'avoir tout de suite. Chiale tant que tu veux, là. La prochaine fois, on te montrera jamais qu'est-ce qu'on va faire dans l'avenir. Parce que t'es pas assez spirituel pour le supporter, et ou t'es pas assez intelligent pour le supporter. Mais comment ça qu'ils ont accès à cette information-là quand même? Bien, le mental se développe. À un moment donné, l'ajusteur de pensée se développe. Puis, il se branche quelque part. Il faut bien qu'il ait commencé à têter quelque part pour ramasser l'information. L'information vient. L'ego s'en encapare. Puis, l'ego commence à cheminer astralement pour la rejoindre tout de suite de façon à tout démolir. L'astral le permet parce que ça démolit tout. L'intelligence n'a pas encore assez de contrôle sur l'humain pour l'en empêcher. Puis là, l'ego, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, ouais, mais là, il vient. Torieux. Il m'a ramassé un humain, il m'a l'amener n'importe où sur la planète Terre. Puis, quand il va revenir ici, il va commencer à être heureux. Parce que l'humain a tout. C'est évident qu'on doit tolérer ce qu'on a là. On doit aller chercher mieux, parce qu'il y a des choses pour nous qui nous attendent ailleurs, plus loin dans l'avenir. Quand j'ai ailleurs, c'est ailleurs en termes de déplacement dans le temps. Bon, mais en attendant, ça vaut pas la peine de chialer. Quand tu auras 18 ans, on va t'acheter une automobile. Là, tu as même 4 ans, tu te suicides. Pourquoi? Tu vas avoir l'automobile tout de suite. Oui, on t'a fait à croire qu'un jour tu l'aurais. Possiblement que c'est vrai, mais tu n'es pas assez spirituel pour te contenter de l'espérance. J'ai hâte d'avoir 18 ans. Non. Là, t'espères plus avoir 18 ans. Là, tu nous trouves chien de te donner une auto à 18 ans, pas tout de suite. Donc, on va bien plus chien, tu n'auras jamais d'auto. Donc, du point de vue de l'ego, c'est là qu'il va dire, je me fais faire à croire par un gourou. Ben oui, mais c'est rien fait à croire. On lui dit qu'est-ce qui va arriver, puis lui, il pense qu'il le mérite tout de suite. Prochainement, vous aurez ceci. Ben moi, quand je parle de prochainement, ça peut s'échelonner jusqu'à des millions d'années. Bon. Mais là, l'humain, il dit, ah bon, à soir, on va avoir ça. Rendu à soir, ah, c'est un maudit menteur. Mais en plus, il faut faire attention, parce que la grosse désillusion des dieux, c'est une chose que je n'en parle pas de temps en temps. La désillusion des dieux, c'est lorsque l'ego découvre que ce qu'il avait pensé qu'était une chose n'est pas ce qu'il aurait voulu. Alors moi, je prends par exemple une personne, puis je pense qu'elle est un génie. Après ça, je me rends compte qu'elle n'est pas un. Elle m'a fourré. C'est une niaiseuse. C'est ici, c'est ça. La désillusion des dieux, c'est moi le cave qui décide que. Après ça, je me rends compte que l'autre, elle est ce qu'elle est. Alors, je peux décider que telle affaire, ah oui, ça va arriver, ça va arriver. Ça va arriver peut-être jamais. Peut-être différemment, peut-être plus, peut-être moins. L'affaire qu'il y a, c'est que tout ce que moi je mets comme empaquetage par-dessus ce que j'ai visualisé, c'est ça le cheminement de l'ego. Ben après ça, quand j'arrive, j'aboutis là, ah ben c'est pas ce que j'avais pensé. Ah ben c'est de ma faute. Mais si une personne comme toi, t'as beaucoup d'énergie, donc t'induis dans leur ego, c'est l'ego qui colore l'énergie avec laquelle tu leur... Moi j'ai un gros défaut que les humains me reprochent souvent, surtout ceux qui vivent proche de moi, c'est que je les fais vivre. Les faisant vivre, donc je les énergise. Les faisant vivre, l'ego se met à vivre. L'ego se met à avoir accès à des visualisations. L'ego se met à y croire. L'ego spiritualise ça. L'ego met de la foi là-dedans. Puis à un moment donné, vu que moi, je suis bien patient, puis que je change d'idée quand c'est le temps, puis que les autres sont pas capables, ben là, apparemment, que c'est plein de promesses que je leur ai faites. Apparemment, que c'est plein de menteries que je leur ai faites. Apparemment, que ce qu'ils pensaient de moi, c'est pas ça. Puis des illusions des dieux. Après ça, ben là, on m'haït, on me déteste, etc. Puis après ça, ben, comme le projet offre ça, ils se l'ont secrété eux-mêmes, mais je me suis même pas marqué dedans. Oh, j'ai acheté ma carte de membre, comme tout le monde, puis je leur ai dit, si ça se tient, je vais être là. Mais en attendant, regardez donc tout ça, le voir. Puis après ça, ben là, ou bien je suis chien, je leur ai promis ça, ou bien je suis chien, ils m'en sont pas mêlés. Bon, ben, de toute façon, t'es toujours chien. Mm-hmm. Fait que tant qu'être chien, je suis mort. Ça veut dire que dans ton entourage, il faut être désidentifié de son ego. Ben oui. Pour énergiser le mental seulement. Quelqu'un qui veut travailler proche de moi doit nécessairement être suffisamment émotif pour travailler mentalement. On essaye ça, c'est pas ça, on change d'idée, il faut que tout le monde veuille changer d'idée en même temps. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils me suivent. C'est que si quelqu'un dit on change d'idée, crée mon tout intelligent pareil, on dit ben oui, c'est sûr. Il n'y a pas besoin de personne pour suivre personne. Sauf que quand t'as un paquet de personnes qui spirituellement veulent suivre, c'est pas grave, c'est correct. Sauf qu'on doit connaître le phénomène de des illusions des dieux. Parce que si chacun projette quelque chose, c'est évident que on achète chacun un hangar, puis on veut tout le peinturer, on va tout se coucher chez nous, puis un mois de temps, on est là, puis on pense à comment le peinture. Quand on arrive, il ne faut pas s'attendre à ce que tout le monde ait passé la même affaire. On risque fortement d'être... Quelqu'un va désillusionner quelque part. Si chacun met sa couleur, de toute façon, c'est pas comme que tu avais vu. Tu avais vu un que ta couleur. Là, tu vas vouloir convaincre, faire ça. Ah, oh, puis on pense, je pensais que c'était tout le monde intelligent, mais ils sont pas raisonnables. Puis... C'est ça, c'est tout le monde intelligent, justement, ils ne sont pas esclaves. Mais là, tu comprends comme tu veux le comprendre. Alors, la désillusion des dieux, c'est un problème. Puis, lorsque l'être humain, bon, spiritualité, c'est correct, l'ego en a besoin. Il faut que le mental contrôle, il ne faut pas que la spiritualité de l'ego vienne colorer le mental. Alors, l'humain peut se lancer dans n'importe quoi si l'ego est déjà au courant que le mental peut changer de trame pour mieux. Je connais des gens, moi, à un moment donné, qui avaient un seul but, un seul désir, c'était d'aller s'établir sur une île déserte. Alors là, ils venaient. Quand, à un moment donné, on a dit que là, le gros groupe, on va le diviser en petits groupes. Oh, ben là. Alors, leur but, c'était pas l'île déserte. Le but, c'était d'une grosse gang. Ah, oh, on leur a raconté pas qu'elle demanderait. Ils sont partis. Là, après ça, il fallait faire un bateau. On commence à faire un bateau. Quand le bateau était fini, ben, il n'y a pas qu'ils sont partis. Ah, ben, le but, c'est le bateau. Le but, c'est pas l'île, mais il ne savait pas encore. Puis là, ben là, évidemment, tu t'en vas pas de même. T'es pas pour te dire, crime, je suis niaiseux. Je pensais ça. Ben non, tu t'en vas pourquoi? Ah, ben c'est à cause que. T'en mets des raisons. La couleur du bateau est pas la bonne. Hein? Je voulais être dessus, même si je sais pas nager. Puis en tout cas, un paquet de raisons idiotes. Puis au fur et à mesure que le projet avance, le monde tombe à côté. Pourquoi? Parce que c'est la désillusion des dieux. Projet offre ça, c'est pareil. Le projet offre ça, c'est quoi? C'est très simple. C'est que si on fait ça, c'est évident que ça va donner ça. Ah, les gens, ben emballés. Là, les personnes, ils se disent, ouais, mais ça, ça donne pas ça. On s'est fait fourrer. Alors, m'attends à voir. Ben oui, mais là, si t'attends à voir, il y a déjà un des ça qui pue là. Donc, le résultat peut être le même. Après ça, tu te dis, ben je savais. Regarde, ça a foiré. Ben oui, tu sais. Il a fallu que je te dise, on va faire ça, puis toi, tu vas le faire foirer, puis regarde, ça va marcher. Et là, la personne, ça fonctionne pas. C'est comme les Juifs dans le camp de concentration. Si les 3 qui veulent sortir plus tôt par jour, les 20 Allemands qui sont là, ils tuent, aucun problème. Si les 3000 veulent sortir en même temps, les 20 soldats allemands, ils en tuent 30, 40, ils sont écrasés, puis le reste s'en va. C'est toujours tous ou rien. C'est pas compliqué tellement. Mais qu'est-ce qu'on peut faire si ces gens-là, ils disent, ils se donnent des raisons? Tu peux pas rien faire, même si tu leur parles mentalement. Tu sais rien qu'eux autres n'ont plus de projet, rien à faire, puis c'est fini là. Quand j'ai commencé, off ça, c'était pour voir. Premièrement, il y a déjà un groupe qui était suffisamment solide, qui eux autres voulaient avoir. Premièrement, eux autres auraient préféré que je m'éloigne pour leur laisser un peu d'autonomie. Alors, je leur ai dit, faites-vous-en pas, vous allez faire exactement comme vous voudrez. Si vous avez besoin de mes conseils de temps en temps, venez-moi, moi, vous les donner. Ils sont venus me voir, je leur ai parlé, je leur ai donné quelques conseils, puis ils ont dit, oui, non, ça se peut pas. Ce que je leur ai suggéré, c'est ce qui appartient à Vestas. Ça se pouvait pas, hein? Mais ça se peut, ça marche, mais ça se pouvait pas. Bon. Fait qu'il n'y a aucun problème, aucune pression. Après ça, ils ont cédulé les ateliers comme ils voulaient, les groupements comme ils voulaient, les réunions comme ils voulaient, puis c'était les premiers à s'en aller. Pourquoi? Parce que Cam est toujours dans nos jambes. Cam les empêche de vivre. Je n'allais même pas aux réunions. Ils ne me voyaient même pas. Mais il fallait bien trouver une raison. Eux autres se sont rendus compte à un moment donné des illusions des dieux par rapport à eux, qu'eux autres n'étaient pas capables de le faire. Mm. Mais c'est pas à cause d'eux autres. Alors, ils ont tout sacré ça là, c'est à cause de moi. Puis ils ont été visiter Amnor. Bon, puis ils sont pas rentrés d'Amnor. Nous, moi, je voulais charger 5 000 $ pour rentrer dans ça. Ah, écœurant! Amnor chargeait 130 000. Ah, de l'allure, au moins, ils ont de quoi, eux autres? Puis finalement, c'est une secte, ça appartient à la Fraternité Blanche Universelle, puis il y a un paquet de conneries qui s'en vont là-dedans, bon, etc. Pourquoi? Parce que c'est une visualisation supramentale, atterrie par des égos spiritualisés. La première année, le mental domine. Lentement, tu mets de la spiritualité parce que l'ego tripe, sécrète dans ce qu'il vient de faire. Puis là, commence à projeter des choses dans l'avenir. Puis là, évidemment, le contact se défait. Fait que c'est pas long que c'est la spiritualité qui rentre dans le tas. Et puis là, on recommence à tout défaire, à faire une commune comme c'est conventionnel. Les enfants se lèvent à 4-5 heures du matin. Ceux qui n'écoutent pas, des douches d'eau froide. Puis c'est plus les parents qui les éduquent maintenant, c'est des pédagogues formés par la commune. Et puis ça ramasse les oignons, les patates, etc. Bref, c'est des robots humains. Bon, tu sais, c'est super. Comment éviter ce danger-là? Ben, il n'y a pas de façon d'éviter le danger. La seule façon qu'on peut faire, c'est que tu mets quelque chose sur une table et tu dis, voici un gâteau. Qui veut une tranche? Bon. Si quelqu'un regarde, tu dis, ça n'a pas l'air bon. Mais tu l'élimines. Il ne veut même pas goûter. Lui, il part déjà avec des idées. Là, il y en a, si tu as 20 morceaux, il faut que les 20 morceaux se fassent manger. Puis il en reste un morceau. Ben, tu dis à tout le monde, vous avez même mangé 19 morceaux. Puis, c'est pas suffisant. La prochaine tarte qu'on va vous présenter, on va commencer par vous inviter à manger. Vous êtes des mangeurs. Mais c'est pas ça l'affaire, c'est qu'habituellement, oui. Le premier coup, ils mangent. Tout est correct. Non, ils mangent pas. Ils viennent juste demander aux autres qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce que ça goûte. Mais ils mangent pas. Tu veux faire un projet, prenons le projet d'OFSA. Tu décides, on part une compagnie qui va fabriquer des dômes, premièrement des chalets non isolés. Ça coûte pas cher à faire, on va vendre ça. Il y a des petits chalets, ils vendraient pas cher. Après ça, on va les isoler, on prend de l'expérience. Parfait, il y en a 15 qui veulent. Donc, la tarte, c'est bâtir des petites cabanes pour commencer à faire une compagnie. Les 15 qui veulent, si les 15 mangent le morceau de tarte, ça veut dire que les 15 mettent de l'argent, ça veut dire que les 15 mettent du temps, ça veut dire que les 15 fonctionnent. Il y en a qui vont vouloir vendre, il y en a qui vont, OK, les 15 marchent. Mais si il y en a 13 qui mangent le morceau de tarte, on avait calculé qu'il en fallait 15, bien, il y en a deux là-dedans qui mettent rien. Les autres, ils regardent, oh, oui, je t'intéresse, ils viennent aux réunions. S'il faut, par exemple, mettre 2 000 $ chaque, ils mettent 200 $, puis il n'y a pas ça, on attend. Ils sont juste mis là, ils ont mis un pied sur le bateau, puis ils se disent, d'un coup, c'est le bon, bien là, je mettrai le reste. L'affaire qu'il y a, c'est qu'il faudrait qu'on aille 17 ou 20 personnes de même. Il faudrait qu'on se dise, on a besoin de 15 personnes, fait qu'on va aller leur compter une menterie. On a besoin de 25, vu qu'on sait qu'il y en a 10 tatoues là-dedans, on risque d'avoir nos 15. Mais c'est ça qu'il y a. Moi, je mets un morceau de tarte sur la table, puis si tout le monde le mange, c'est réussi. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui embarquent sur le bateau, qui sont 2 mois bien corrects, puis tout à coup, au bout de 2 mois, ils se mettent à parler avec l'autre, puis c'est-tu dans le fond, il y a ci, il y a ci. C'est eux. Oui, mais c'est eux le problème. C'est nous le problème. On a pris les mauvaises personnes. Mais comment les décoder? T'es mal à l'eau. Ah, comment décoder avant? Oui, au départ, oui. Au départ, au lieu de demander 2 000, tu demandes 3 000. Non, mais il y en a qui pourraient mettre 3 000, puis 4 000, puis 5 000, puis arriver, puis 2 mois après... Oui, mais ceux-là, il faut que tu demandes 10 000. Mais c'est ça, mais comment les décoder? Il n'y a pas 50 manières. Il faut que tu ailles, premièrement, en demandant un peu plus, tu vas aller chercher ceux qui doivent. Après ça, tu mets des règles strictes qui font que s'il y a un emmerdeur dans le lot à un moment donné, bien, qu'il ne puisse pas emmerder. C'est d'après les règles. Ben oui, c'est sûr. Toute la société planétaire est bâtie à partir de l'humain. On appelle ça des lois légales. Tu appliques ça là. Parce que tu sais que le système légal, là, il est bâti justement pour ce genre de monde-là. Il est bâti pour ceux qui décident qu'ils vont emprunter et qu'ils ne remboursent pas. Il est bâti pour ceux qui te disent « OK, j'achète » et qui ne l'achètent pas. Il est bâti pour ce genre de monde-là. Fait que tu appliques ces lois-là après. Fait que s'il en faut 15 et on est juste 13 finalement, ben faut faire qu'on change de cap et qu'on fasse d'autres choses. Là, les deux qui sont pas là, ils vont dire, regarde, on le savait, tu vis, ils l'ont pas fait. Hein? Ils ont le petit bénéfice de pas mettre l'argent dedans. C'est grâce aux autres qu'on le fait pas. Donc, c'est par les règles qu'on arrive. Les règles, ça t'empêche qu'ils t'emmerdent de trop. Par contre, ça peut pas empêcher qu'un projet. Ça peut pas permettre qu'un projet fonctionne, les règles. Les règles, ça va empêcher que tout se défasse. C'est tout. Par contre, si on a des limites qui déterminent qu'il faut autant d'êtres humains ou autant d'argent, bien, si tout se fait, c'est additionnel. Ouvre un McDonald's, tu te dis, crime, si les employés font ça, puis si la publicité est faite de telle façon, on devrait avoir tel résultat. Habituellement, ça va bien. Les idées, les compagnies en ont plein. C'est que le monde, pour les appliquer, les idées, c'est là le problème. Là, à un moment donné, ben, les employés qui doivent servir au comptoir, ben, ils commencent à changer les règles, ils commencent à changer ici, ils sont un peu plus paresseux. Il y a plein d'affaires qui commencent à se défaire. Parce que là, tu sais, une minute là, lentement, ça foire. Après ça, ben, on le savait. C'est pas une chance qu'on n'a pas mis tant d'énergie comme ils voulaient. On aurait-tu mis ça pour rien? Non, c'est ça qui manque. C'est pour ça que ça foire. Fait que tu mets rien ou tu mets tout, tu fais rien entre les deux. Parce que l'affaire, c'est que s'ils mettaient rien, ce serait pas pire, mais c'est parce qu'ils en mettent, mais l'autre bord. C'est qu'ils sidative. Tant qu'à mettre l'autre bord, ça dérange pas trop. C'est sûr que si c'est à l'interne, si sidative contre d'autres personnes du lot, on se réunit 3, 4, 5, puis on parle contre ces 3, 4, 5-là, tu sais, qui ont l'air ceux qui courent au McDonald's. T'sais. Tu as vu comment ils servent le monde avec son surprise. Tu parles contre eux autres. Ben, c'est ça. Lentement, lentement, tu défais toute la structure au complet. Puis si chacun devait avoir 100 000 $ au bout de 10 ans, en termes de salaire, si le McDonald's marchait, ben là, tout le monde est content. Mais là, il y en a un paquet qui veulent 100 000 $ en commençant. Après ça, ils vont travailler. Sinon, ils ne croient pas que ça va arriver. C'est pour ça que ça demande toujours un peu de spiritualité ou de phénomène mental. C'est logique. C'est possible. Est-ce que ça va marcher? Aucune idée. Mais c'est logique. C'est possible. Puis tant qu'à vivre, on vive là. Tu l'essayes. Ça marche pas, de toute façon. Il y a plein d'affaires qui marchent pas. Ça change rien. Tu as de l'expérience. Tu as appris. Tu as connu des gens. Tu as su filtrer ceux qui étaient élites, en ce sens qui étaient sûrs, ceux avec qui ça va te plaire de continuer à vivre. Après ça, on reprend ailleurs. Il y a d'autres humains qui se pratiquent ailleurs, qui se bâtissent ailleurs, qui se font fourrer par d'autres avec qui ils sont. À un moment donné, on va finir par se retrouver, puis il y a quelque chose qui va marcher. C'est immanquable. Il y a des lois, des mécaniques. Il faut que l'humain les apprenne. Une fois que l'humain est prêt à entrer, quand on parle des morceaux de tarte, le morceau de tarte peut être gros, il peut être petit, mais s'il est gros, il faut peut-être plus d'humains pour le manger. Mais les humains qui décident que oui, ça peut aller, quelqu'un va dire, moi, je vais juste ramasser les croûtes. Pas de problème. Mais ramasse les croûtes. Bon, c'est tout. Tu manges un peu plus, ça ne nous dérange pas. Mais manger un peu moins, ça nous dérange. Exemple, une personne va dire, ben moi, je n'ai pas d'argent, mais je peux mettre du temps. Ben, ça peut se faire. Mais on va l'employer, ton temps. Un autre va dire, ben moi, j'ai un peu d'argent, mais j'ai pas de temps. Il n'y a pas de problème. Mais allez l'argent. Il n'y a pas leur demander dans deux mois. Parce que là, il est investi, il en a besoin. Merde, là. Si tu mets de l'argent qu'on peut pas compter dessus, c'est comme si tu n'en mettais pas. Ben, finalement, c'est là que ça nuit. Quand tu viens pour décoller, là, il y a un gars qui dit, ben le pneu pour l'avion, je t'ai prêté, là, je le veux, là. Ben, là, tu décolles, puis tu le laisses là, ben non, Mais si tu décolles, il envoie la chasse après toi. Fait que t'arrêtes, tu changes un pneu. Là, tu cherches un pneu. Tant que tu trouves un pneu, ben là, il y a une aile qui décide de s'en aller. Hein, parce que là, là, ils se disent, ah oui, mais gars, ça foire. Là, t'as le pneu, il manque l'aile. Quand t'as l'aile, il te manque le nez, puis etc. Bon, c'est l'humain. Quand l'humain est capable d'être suffisamment mental, ben là, l'humain, il décide de se risquer. Toute la vie, on risque. Tu risques en traversant la rue, tu risques dans n'importe quelle situation. Fait que pourquoi ne pas risquer dans quelque chose qui te plaît, puis qui peut t'apporter dans ce que justement mentalement tu veux? Parce que toi, tu sais que ça va réussir ou non? Moi, je sais que ça va réussir ou non, oui. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il y a des marches. Mm-hmm. Et puis, l'avenir est toujours, toujours en mouvement. Moi, je sais que ça peut réussir. Mais tu sais pas si c'est sur la cinquième ou sur la quatrième ou la dixième. Il n'y a pas de marche comme ça. Il y a plusieurs marches. Tout ce que je sais, moi, c'est que ça peut réussir. Puis, ce que je fais, moi, c'est que vouloir que ça réussisse, ça réussirait. Alors, même ceux qui ne veulent pas manger, je pourrais les faire manger. Mais le problème qu'il y a, il faut les nourrir trop longtemps. Alors, moi, je préfère qu'une chose ne fonctionne pas pour garder ma liberté pour devenir un maître total que de devenir un maître total et de faire quelque chose qui va foirer quand je m'en aller. Mais tu dis que vouloir que ça réussisse, ça réussirait, tu aurais des otages, mais on ne fait rien avec des otages. Ben, c'est ce que je te dis. C'est pour ça que moi, donc, ça ne réussirait pas. Ben, ça réussirait, le projet réussirait. Au niveau de l'esthétique ou de l'onde de forme, tout le monde dirait « Ah, ben ça réussit ». Mais ça tombe. Mais du point de vue cosmique, quoi, etc., c'est non. Tu mourrais, puis ça serait fini. Ou je m'en irais, puis ça serait fini. C'est ça. Est-ce l'intention espritique divine que d'être aspiré entièrement de cette manière? Ben, te souviens-tu de l'histoire du sable mouvant? Ou? Oh, ouais. Où est l'intelligence d'une telle action, et si cette action est intentionnelle, volontaire, presque suicidaire, est-ce que l'esprit demeure intact, pur? L'esprit se mouille-t-il sans être mouillé? Faire un avion avec... Non. L'avion qui va perdre son nez puis son... Trop d'angle dessus, c'est... dur à voler. Bon. En bas, c'est l'esprit dans la matière. C'est rien. C'est toute la structure éthérique, la structure vitale, c'est le périsprit. C'est ce qui permet à la matière atomique de se maintenir. C'est très proche du corps physique. En haut, c'est l'ego, c'est l'âme. La tête dans le ciel, dans la spiritualité, dans Dieu, dans le plaisir. Ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, ça ici, c'est la seule chose qui peut décoder le message réel pour tout transformer. Alors là, ce qui arrive présentement, c'est que ça descend comme ça ici, les dieux, ça vient s'écraser. Puis ça pousse lentement, ça crée une évolution génétique, une évolution atomique, une mutation, une cellularisation. À travers cela, évidemment, il y a des parties de l'ego qui descendent dans la marde, dans sa mouvement, dans vase. Pendant ce temps-là, la partie espritique, elle monte. La partie espritique, la partie matérielle, vitale, éthérique, qui est capable de tout comprendre, de la mécanique, pour pouvoir tout dissoudre puis sortir l'humain de là. Alors, nécessairement, on doit passer par un bout. Si l'humain ne veut pas... Il y a quelques rares humains qui, dans l'apparence, gagnent à la loterie 1 000 000 $ et se libèrent subitement de leur problème. Mais qu'est-ce qu'ils font avec ceux-là, avec cet argent-là? Tous ceux qui n'ont rien à faire avec cet argent-là gagnent. Mais ceux qui ont des projets ne gagnent pas. Ceux qui gagnent, il y en a qui vont se casser la gueule. On a les ravibreurs, entre autres, qui se promènent un peu partout. Alors, il y a donc... L'humain n'est pas mieux. Par contre, ce qu'on doit comprendre, c'est que... C'est comme je l'ai déjà expliqué, ça se passe exactement de cette façon-là. C'est que si dans l'avenir, ce qui t'attend est convenable, tu vas te départir de ton karma immédiatement, donc une partie de ton ego immédiatement, pour ne pas te défaire ce qui va se passer plus tard. Si par contre, plus tard, ça va être extrêmement terrible, alors normalement, présentement, on va te donner du plaisir pour créer une vie équilibrée. Si l'intelligence descend dans la structure neuronique de l'homme pour commencer à amener l'humain vers un monde plus convenable pour ce qu'il est lui, nécessairement, à l'instant où le contact commence à venir chercher l'humain, il faut que l'humain se départisse de certaines choses. Mais se départir de ces choses-là, c'est exactement comme de dire, je suis pilote d'avion, j'ai mes pantalons anti-choc, j'ai mon masque à oxygène, mes tubulures, j'ai mes anneaux de métal, j'ai un paquet de morceaux, mon parachute, mon banc, puis tout ça. À un moment donné, l'avion a des problèmes mécaniques. Là, je me dis, est-ce que je sors, je m'éjecte, ou si j'attends? Et là, c'est ça qui est l'évolution de l'humain. L'humain, présentement, comme embarquer dans un gâteau ou qu'une tarte, c'est le problème. J'évolue ou j'évolue pas, là? Je change ou je ne change pas. Si je m'éjecte, le moteur se remet à fonctionner. Je me suis fait fourrer comme il faut. Mais si je m'éjecte pas, à un moment donné, il va être trop bas pour que je m'éjecte. Fait que je me fais fourrer encore. Fait que je fais quoi? Fait qu'à un moment donné, il y en a un qui s'éjecte, il part. Le parachute s'ouvre, puis il descend lentement, puis là, finalement, ils sont deux, c'est un F-18, nous prenons comme exemple, ils sont deux dans l'avion. Et même si quand il y en a un qui s'éjecte, les deux partent, disons que c'est chacun différent. Et puis l'autre, il réussit à partir le moteur, puis il s'en va, puis tout est là, comme un cave, il descend dans l'eau, pouf dans l'eau, les requins viennent te bouffer, puis c'est fini, bon. Là, tu te dis, ça y est, le gâteau que j'ai mangé, c'était pas le bon. Par contre, t'as aussi celui qui s'éjecte, qui aussi va tomber, puis lentement, il voit l'avion qui décroche complètement, puis l'avion qui s'écrase, puis l'autre meurt. Lui, il descend lentement, il approche de l'eau. Rendu dans l'eau, bien là, il va falloir qu'il se départisse de son parachute. Mais là, il peut se dire, oui, mais tout d'un coup, je n'aurais besoin. Parce que ça ne s'arrête pas là. Tu viens de lâcher l'avion, c'est le gros morceau, ça peut être la religion, ça peut être bon. Mais là, tu descends avec d'autres structures qui sont typiques de l'avion. Le bain, le parachute attaché après, les pantalons de choc encore que tu aurais trop de gravité. Bon, il y a des choses qui restent attachées à l'avion. Mais quand tu arrives dans l'eau, tu te sens sécuritaire dans tes maudites grosses culottes encore gonflées. Bon. Tu te sens sécuritaire assis sur ton banc, même si tu es en train de couler lentement, tu te dis, bon, ben là, on va faire parcher la veste. Mais la veste, elle, faut que je détache le banc, faut que j'arrache le parachute à un moment donné, parce que dans l'eau, je nagerai pas fort en traînant un parachute en arrière, hein. Bon. Mais là, l'humain va se dire, oui, mais si je lâche tout ça, c'est comme le voleur qui sort avec de l'argent d'une banque, puis à un moment donné, il y a un policier qui part après. Puis là, il n'y a pas un 15 sacs, là, il y a une brouette d'argent. Il se met à sauver avec sa brouette. Puis là, il n'est pas bon. C'est parce que s'il lâche la brouette puis qu'il se pousse sans la brouette, tout ce qu'il a fait ne sert à rien. Mais s'il garde la brouette puis il se fait tuer, tout ce qu'il fait ne sert à rien. Mm-hmm. Il va falloir qu'il tranche. Mais l'humain qui évolue, l'humain qui doit à un moment donné s'aligner vers un changement au niveau de sa vie, doit trancher comme ça. Puis l'humain ne sait jamais parce que l'humain n'est pas capable de savoir s'il prend la bonne décision. Alors la question qu'on va poser, comment savoir qu'on prend la bonne décision? Alors moi, je répète la même chose. Faites-le, vous le saurez. Il n'y a pas de moyen, tant que l'être humain est expérientiel, l'humain ne peut pas savoir que c'est la bonne décision. Mais une chose qu'on doit savoir, c'est que de toute façon, c'est toujours la bonne décision. Où il y a la problématique, c'est que même dans la bonne décision, l'ego continue à se poser des questions idiotes. Tu viens de t'éjecter, puis là, tu te dis, ouais, mais là, l'avion, là, je ne le vois plus, l'avion. Elle rentre des nuages, moi, je traverse les nuages, je ne sais pas si ça fait creuser ou pas. Fait que tout le long, tu te dis, peut-être, j'aurais pas dû. Peut-être, j'ai dû. Peut-être, j'aurais pas dû. Peut-être, j'ai dû. Pendant ce temps-là, tu vois pas où tu t'en vas en bas. Quand tu as décidé de t'éjecter, l'avion n'a jamais existé. C'est simple, tu es dans ta chaise, dans ton parachute, puis tu descends. Qu'est-ce qui existe? L'air, les aigles qui passent, les tons peut-être, l'eau ou la terre en bas, il existe toi là-dedans. L'avion, elle n'a jamais existé, l'avion, alors oublie-la. Tu viens de lâcher la religion, nostalgise pas. Tu viens de lâcher ta famille, nostalgise pas, oublie. Quand tu arrives dans l'eau, qu'est-ce que tu as besoin? Il y a l'eau, il y a toi. Il y a de l'équipement qui va là. Abandonne le reste. Oui, mais tout d'un coup que... Abandonne le reste. C'est fait. Peux-tu décider, ah tiens, je vais me réintégrer dans l'avion. Et un piton, puis... Non. Seulement au cinéma, puis il faut que le gars en arrière veuille bien reculer le film sans que le public se mette à chialer. Alors, c'est bien compliqué. Donc, on devrait... On préfère te dire, reviens voir le film plus tard. Oui. Reviens revivre une autre vie plus tard. Puis essaye de ne pas t'éjecter. Sors de la salle au bon moment. Alors, l'humain, dans tout phénomène, on est là pour on ne sait jamais si on devrait, si on ne devrait pas, devrais-je faire ci, dois-je risquer ça. De toute façon, l'humain qui n'évolue pas meurt. Alors, qu'est-ce que l'humain risque à évoluer? Il risque sa sécurité. Donc, il risque d'avoir de l'insécurité. Mais il risque de vivre. Donc, il risque plus, là. L'humain, bon, c'est quoi? C'est comme l'individu qui a un peu d'argent, qui le laisse en banque. Oui, mais le placer pour un an. Des coups, je n'aurais besoin pendant l'année. Ben oui, ben tu fais 6% d'intérêt, l'inflation est à 4, 5 ou 6 ou 7 ou 8, donc tu augmentes pas ton pouvoir d'achat, tu fais pas d'argent. Ah, fais 300$, non. Il y a eu 300$ d'augmentation sur les choses. Tu as simplement resté stable. Puis si l'inflation est plus haut que ton taux d'intérêt, tu perds de l'argent en le laissant en banque. Oui, mais tout d'un coup, à un moment donné, il faut que l'humain risque. L'humain va se démarcher des obligations d'épargne du Canada. Oui, mais si le Canada fait faillite, ça se peut. Ah, mais je vais investir à la bourse. Oui, mais à la bourse, on sait jamais. Mais non, c'est ça, on sait jamais. Et plus c'est risqué, plus tu peux gagner. Et plus tu perds. Donc, un ego. Un ego doit jamais se demander s'il évolue, mais est-ce qu'un mental peut se demander s'il évolue? Non plus. Un mental, s'il est là, nécessairement, il y a évolution. Non, c'est pas une question à poser, ça. C'est une question idiote. Elle est à poser, mais t'es idiote. Hmm. Je peux, à volonté, faire vibrer l'intérieur de mon corps. Cela ressemble un peu à une contraction musculaire. J'ai essayé, dans cet état, de faire bouger mes bras. À ce moment, j'ai senti une paire de bras bouger, mais je ne savais pas exactement si c'était mes bras physiques qui avaient bougé. Au retour à la normale, j'ai constaté qu'effectivement, ils avaient physiquement bougé. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Quelles sont les possibilités dans cet état? C'est un état qui ressemble à la perception Menfi. Ce qu'elle a fait bouger, c'est son corps vital, puis dépendant de la densification de la motricité du corps vital, il y a des chances que les bras suivent sans contraction musculaire. Autrement dit, c'est comme une personne qui lève le bras. Puis, à un moment donné, un bras qui se lève tout seul, sans que de muscles se contractent, c'est pas la même chose. Par contre, la personne bouge, mais c'est pas la même mécanique. Mais est-ce que ça serait préférable de toujours bouger comme ça? Ben, ça, c'est évident. C'est moins forçant. C'est pas que c'est moins forçant. C'est plus forçant dans certains... C'est pas l'individu, c'est sûr. Bon. Une personne qui est presque handicapée, qui est paralysée, bouger le bras, c'est forçant à tabarouette. Puis quelqu'un qui est habitué, c'est plus forçant. Ça fait à longue. En vital, l'avantage qu'il y a, c'est la rapidité avec laquelle tu peux parvenir à bouger. C'est sûr que faire bouger les bras ou certaines choses, c'est intéressant, mais il faut parvenir à contrôler un peu plus le corps physique pour pouvoir faire d'autres choses là-dedans et surtout omnibuler les possibilités d'expression de l'ego. Mais c'est surtout au niveau de la rapidité du mouvement. Mais est-ce qu'un être paralysé pourrait bouger ses jambes, marcher avec ça? Ça passe pas par le système nerveux ni par les muscles, ça n'a rien à voir. Donc, il pourrait retrouver la marche. Oui, il y a une personne qui a la capacité de faire ça, la capacité aussi de faire de la lévitation. Par contre, son ego peut le lui interdire, donc elle va rester à terre longtemps, même si elle peut le faire. Est-ce qu'on pourrait, à rendu là, se désintégrer puis apparaître, le transport? Ben, rendu là, peut-être pas, mais à un moment donné, c'est évident que oui. Pas par transport séraphique, il faut que tu aies fait une fusion avec ton dométhérique pour ça. Mais désintégrer, il faut s'entendre. Par contre, tu peux te dissoudre suffisamment pour traverser des matières solides. Ça, je veux dire, d'être en une seconde d'ici à Paris? Pas pour l'instant, pas rendu là, non. Mm. Une seconde, c'est long, de toute façon. Oui, c'est ça. Lorsqu'on absorbe des mémoires réincarnationnelles, attirons-nous le karma des personnes qui ont généré ces mémoires? Bien, quand on absorbe des mémoires réincarnationnelles, c'est juste ça qu'on fait, ramasser le karma. Il peut être blanc, il peut être noir, il peut être gris. Comment se fait-il que les lois de la vie, les lois de la jungle, la loi du plus fort vient contre l'amour, la compétition qui bouffe qui, etc.? Et donc, celui qui aime meurt comme le Nazaréen. Non, mais l'amour, c'est pas une loi, l'amour. L'amour, c'est une saloperie. Les lois, c'est ça. Les lois, c'est quoi? C'est la loi du rapace, la loi de la prédation dans un monde de prédateurs. Bon, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau des finances, au niveau de vos vêtements, au niveau de la conscience, au niveau des idées, au niveau de n'importe quoi. On est dans un monde de prédateurs. Alors, l'amour là-dedans, l'amour, c'est une loi qui n'appartient pas au monde de la Terre. C'est une loi qui appartient au monde minimum des sphères astrales, sinon des sphères mentales, des sphères supramentales, bouddhiques et intentionnelles. Mais c'est pas une loi qui appartient aux structures matérielles. Donc, un humain peut aimer quelqu'un d'autre, puis à un moment donné, ben c'est un meurtre passionnel. Ah, puis là, c'est au nom de l'amour. Ah, ben oui, c'est sûr, il l'aimait tellement. Quand tu l'as vu sortir avec un autre, il l'aimait assez, qu'il n'a pas pu s'en empêcher, il l'a tué. Après ça, il s'est tué. On en a régulièrement à tous les années. Tu tues toute la famille au complet parce que tu les aimes, après ça, tu te tues parce que tu t'aimes. Mm-hmm. Bon, c'est ce qui arrive. Alors, ça, c'est de l'amour, c'est ce qu'on appelle assez d'appeler l'amour, mais c'est une connerie. Il n'y a pas de loi d'amour ici. Une fois qu'on est sorti de la loi du prédateur, est-ce qu'il y a des vibrations sentimentiques? Absolument. Sauf que ces vibrations-là s'opèrent uniquement dans un contexte télépathique ou téléphatique entre des consciences qui sont minimum, haute sphère spirituelle, sinon mentale ou supramentale. On se rapproche encore un peu de l'allié. Donc ça serait plus, c'est ça les alliés. Mais l'allié, c'est quelqu'un que tu es capable d'avoir une résonance amour ou aimante sans attraction incontrôlée. Tant que l'amour est contrôlé, c'est de l'amour intelligent. Moi, j'aime, puis l'autre m'aime, puis ça va bien. m'éloigne, alors moi, je m'éloigne, puis ça va bien. C'est-à-dire qu'au niveau télépathique, l'amour reste le même. Quel que soit l'endroit sur la planète Terre, ça n'a foutrement rien changé. L'individu meurt, l'individu déménage, n'importe quoi, ça ne change rien. L'amour, le contact télépathique avec la conscience de l'individu et ta conscience à toi reste le même. Ça n'a rien à voir avec la position d'un corps géographiquement. Par contre, dans la structure astralisée, on essaie de copier l'amour, bien, on se vautre dans, à travers la haine, à travers la violence, on essaie de pacifier la violence. On ne crée pas de la paix, on pacifie la violence. On essaie de rendre aimant l'amour, aimant la jalousie, aimant la colère, par exemple. Deux êtres humains s'aiment, alors on les marie. Bon, mais on fait tout le contrat au cas que justement, qu'on n'arrive plus à jouer le jeu de l'amour. Mais les humains ne s'aiment pas, ils se têtent l'un l'autre. Donc, ils se volent mutuellement. Moi, je te vole 5$, si tu me voles ma paire de bas, je te vole ton manteau, tu m'as repris que mon 5$. On se vole dans une espèce de compromis. Ça, c'est ce que l'humain essaie de faire ici. Quand l'humain évolue un peu, à un moment donné, il découvre que l'autre, il est en tabarnouche. Bien, c'est les lois qu'on applique ici. Sauf qu'à un moment donné, c'est évident qu'au niveau, il ne faut plus qu'il y ait de résonance astrale. Il peut y avoir une résonance mentale, elle devient télépathique. Donc là, c'est autre chose. La personne décide qu'on ne veut plus vivre ensemble, bien, on le comprend. Est-ce qu'on a besoin de commencer à se trouver des raisons? Ah, c'est parce que tu es plate, moi je vais m'en aller ailleurs. Ça, c'est de l'idiotie astrale. On n'est pas capable de comprendre qu'un humain peut peut-être accepter le fait que, ben là, j'ai le goût de aller vivre ailleurs. Et l'autre répond, bon, ben, crime, égoïquement, ça me touche. Mais ça n'a rien à voir, et vas-y. Parce que notre ego avec ne veut pas, notre ego ne peut pas accepter que le mental lui suggère d'aller vivre ailleurs alors que c'est parfait où il est. Alors, l'ego va dire au mental, mais trouve-moi au moins l'imparfait là-dedans. Après ça, je pourrais comprendre pourquoi tu veux qu'on s'en aille. Donc, les alliés sont encore parmi les êtres humains. Est-ce qu'on a des alliés parmi les extraterrestres, parmi les... Oui. Mais il va falloir devenir leur maître pour être... Ah, ben, c'est des alliés, évident. Ça. Mais, c'est mais devenir leur maître, il faut s'entendre. C'est qu'il y a un paquet de hiérarchies au niveau extraterrestre. Il y a les extraterrestres qui sont de type ancestral, c'est-à-dire des phénomènes du passé qui réappliquent. Il y a les extraterrestres qui proviennent de l'avenir. Ceux-là, c'est des alliés, mais il n'y a pas de maître ou de quoi que ce soit. Et tu as des mécanismes extraterrestres qui ne sont pas corporifiables, qui sont de l'intelligence supramentale, qui sont de l'énergie ou de l'information, qui, elles, doivent toutes être soumises par l'intelligence de l'homme, par la conscience de l'homme. Fait que ceux qui ne sont pas corporifiables, on devient leur maître. Oui. On est dissous, donc ils deviennent nous devenons eux, mais nous restons nous, donc ils deviennent nous. Donc c'est comme de la nourriture. Oui. Puis les autres, les extraterrestres qui viennent de l'avenir, est-ce que c'est nous? Oui. Ah bon. Donc ce sont des alliés, il n'est pas question d'être maître de l'un ou de l'autre, c'est égal. Et ceux qui viennent du passé, ce sont des mémoires du passé, nous sommes plus solides et plus évolués qu'eux, même si dans certains de ces phénomènes, il y a des mécanicités astralisées comme le phénomène ézéchielien qu'on parlait vendredi et même mercredi dernier. Il y a des mécanicités archétypales extraterrestres, mais qui de toute façon doivent servir l'homme. Si on est des créatures du temps, a-t-on la possibilité d'être les créateurs? Si la question est posée par l'ego, non. Si la question est posée par n'importe quoi d'autre que l'ego, la journée où il y aura des contacts fusionnels avec d'autres plans, qui est déjà nous, lorsque nous serons capables d'accréditer d'autres plans comme étant nous-mêmes, nous pourrons découvrir que finalement, tout cela, c'est nous. Nous sommes des créateurs. Et pas l'ego. Pas dans le corps physique, pas pour l'instant. Donc, c'est toujours à l'intérieur de nous. Nos alliés sont à l'intérieur de nous. La vie est à l'intérieur de nous. Oui, présentement, là, nous formisons une partie d'une entité globale. Vu que nous formisons une toute petite partie d'une entité, quand je dis globale, une entité qui est sans limite, mais on met des mots, nous formisons quelque chose, et ça, nous appelons ça nous. Et nous disons, ah ben, tu veux, il y a ça là. J'aimerais ça être ça. Ben, t'es ça. Sauf que présentement, il y a une conscience très nombritique, très localisée là. Puis l'évolution de la conscience, c'est l'augmentation du potentiel de perception et d'analyse de stimuli. C'est comme si l'orteil regardait le bras. Oui. C'est évident que si le bras est en train de se gratter à la tête, l'orteil qui dit « Aïe, avant que je sois un bras, moi, ça va être long parce qu'il voit à distance. Okay. » Mais il est le corps. Quand il va prendre conscience qu'il est le corps, il va nécessairement savoir qu'il est le bras. Puis ça, c'est vers ce quoi on chemine? Oui. Est-ce qu'il y en a qui sont rendus là? Oh, ben, est-ce qu'il y en a? On ne s'appelle plus, on peut plus dire est-ce qu'il y en a rendus là. Ils ne sont plus identifiés? Non. Explique le phénomène qui fait qu'une personne est dépressive, qu'une autre personne fait une dépression... Explique d'où vient la schizophrénie. Ça en fait des expliques. Une personne est dépressive simplement parce que son corps astral ne trouve plus de matière à l'extérieur du corps physique ou dans le corps physique pour être capable de s'exprimer. Donc, elle finit par vivre l'ennui. De l'ennui, elle finit par voir son ego commencer à se dissoudre, c'est la négoïsation. La négoïsation sans stimulation extérieure, si le canal de l'ajusteur de pensée n'est pas suffisamment opérationnel, ça crée une dépression. Dépression, c'est un manque d'énergie, c'est un manque de potentiel d'expérience. Alors, je suis dans la maison, je m'ennuie. Je peinturer, ça ne me tente pas. Ce que j'ai exprimé ne s'exprimera pas là. Écouter la télévision, la radio, me promener, faire du jardinage, gueuler. Finalement, il y a plusieurs choses qui ne vont pas avec moi. Je ne peux pas astralement m'exprimer, donc mon ego se nourrit plus. Ne se nourrissant plus, il meurt lentement. Mourant lentement, c'est la mort de l'ennui, dans l'ennui. Lentement, il manque d'énergie. Je me stimule un peu, mais il y a de plus en plus des parties de l'ego qui s'en vont. C'est de la négoïsation, c'est de l'évolution. Sauf que la personne devrait avoir un ajusteur de pensée, au moins opérationnel. C'est-à-dire qu'elle devrait développer le langage, puis commencer à parler. Même si on parle de concepts ou ceci ou cela, faire quelque chose au niveau de la parole. Ça peut être apprendre une langue, ça peut être faire des conférences, ça peut être discuter avec des individus. C'est quelque chose au niveau de la parole qui va travailler l'ajusteur de pensée et ça va donner de nouveaux objectifs à l'individu, ça va le restimuler. La dépression, c'est un manque d'énergie. Canal réincarnationnel étranglé ou bouché et ajusteur de pensée non opérationnel ou mal connecté. Et la schizophrénie, c'est simplement des possessions du monde de la mort, c'est-à-dire que la personne a un canal réincarnationnel mal canalisée, mal orchestrée, et elle se fait posséder. Elle a des contacts dans le monde de la mort avec des entités du monde de la mort. Donc, elle est vivante. Elle a des contacts, ça parle dans sa tête, elle a des stimulations qu'elle ne connaît pas, elle a des visions. La problématique, c'est que dans la conscience de cet individu-là, il n'y a pas de programmation établie dans l'ego lui permettant de considérer que son état fait partie d'une réalité et qu'elle n'a pas besoin d'être normale. Donc, à un moment donné, moi, ça me parle dans ma tête, subitement. Puis là, on me demande qu'est-ce qui se passe. Bien là, je te dis, bien, si je viens d'entendre une musique dans ma tête. Lentement, on va dire, bien oui, là, c'est réveil, tu sais, ça ne peut pas. Alors, vu qu'on finit continuellement par me dire que ça ne se peut pas, ou encore, voyons, t'es-tu fou, à un moment donné, je vais aller voir un psychologue ou un psychiatre, et puis je vais lui expliquer que, ben oui, là, ça m'a dit hier d'aller m'acheter un cornet. Mm-hmm. J'y étais, puis je l'ai mangé, puis ça s'est tué. Fait que là, on commence à parler de schizophrénie, on commence à parler de plusieurs problèmes, et puis lentement, vu que la psychiatrie et la médecine ne connaît foutrement rien du monde de la mort et des incidences astrales en manipulation sur l'humain, lentement, tu finis par te sentir tellement coupable d'être comme ça, c'est la schizophrénie totale. Alors qu'on n'a rien qu'à dire à l'humain, à lui expliquer, faire un séminaire, expliquer c'est quoi la mécanicité de l'astral, etc., etc., etc. Et puis après ça, tu as beaucoup de schizophrènes qui vont... Ah bon? Et puis qui fonctionneraient... Ah, ils fonctionneraient à merveille! Pour la simple raison que là, ils se détruisent eux-mêmes par l'intérieur parce que ils sont quoi? Fait que c'est seulement d'entendre dans le fond, au départ, c'est qu'ils entendent des voix. Ou ils voient des choses. Ou ils hallucinent. De clairaudience, de clairvoyance. Mais pas. Il y en a. Il y a beaucoup de schizophrènes qui ne sont pas schizophrènes. Ils tirent aux cartes, eux autres. Ils font de l'argent avec ça. Ils sont cristal, ça. Mais ils iraient voir un psychologue et un psychiatre, puis ce ne serait pas long qu'on. Si l'individu veut se faire guérir, mais il y a un Christ de problème. Elle est malade. Mais c'est parce qu'ils ont des égos instables, ces gens-là. Et c'est comme tous les égos. Ils sont pas plus instables qu'un autre égo. Non, absolument pas. Prends n'importe quelle personne extrêmement stable qui, à un moment donné, se réveille dans son lit, qui voit quelque chose marcher sur le lit, sauter à terre, puis disparaître à travers le mur. Après ça, elle entend ça disparaît. Son égo stable ne sera pas stable longtemps. Puis la seule affaire serait de dire que ça existe. Ça serait de leur confirmer. Mais c'est vrai que c'est ça, là. C'est vrai. C'est parce que il y a un problème. Ils sont connectés d'une mauvaise façon. On peut, après ça, leur apprendre à fermer des canaux et à en ouvrir d'autres. Ça, c'est possible. Ben, c'est évident. Sauf que c'est sûr que le schizophrène aura besoin d'être suffisamment spirituel pour accepter dès le début toute une nouvelle version de sa maladie. T'es pas malade, c'est normal. Moi aussi, j'ai des voix. Déjà, le schizophrène, il commence déjà à être mauditement mieux. Là, il va commencer à te parler de ce qu'il vit. Oui, mais là, souvent, ça me dit d'aller faire l'amour avec la voisine. Tous les jours. Là, faut que tu t'expliques que si la voisine est consentante, il n'y a aucun problème. Sauf que, bon, là, tu expliques des mécaniques, puis nécessairement, l'humain va finir par, l'ego de l'humain, va finir par être confronté à découvrir qu'il devra changer. Oui. Mais c'est pas une maladie. La majorité des maladies... C'est une possession. Bien, c'est une possession. Tous les humains sont possédés. Oui. Sauf qu'elle, elle a des cordes sensibles ouvertes avec le monde de la mort, elle se fait charrier. Puis comme on lui dit simplement que ça se peut pas, que c'est pas vrai, que c'est son imagination, c'est pas l'imagination, c'est un plagage du monde de la mort. Que c'est des rêves, que c'est des idées qu'elle se fait, mais pauvre elle. Ah, c'est ça qui la rend malade. Ben, veut pas. Ouais. Moi, je suis dans ma famille, j'ai 5 ans, je commence à dire à ma mère qu'est-ce que je vis. On me prend déjà pour un fou, pour une folle. Après ça, on me fait voir des psychologues. Mais c'est bon. Alors, les psychologues me disent carrément que faut que je revienne les voir souvent. Question de finances. Ben, ouais. Et puis, ou encore, il l'est déjà, puis il veut tu tiens patient pour se dire bon. Et puis après ça, on peut te donner des médicaments si ta schizophrénie devient trop dangereuse. Un schizophrène peut être très dangereux. Ça dépend de ce qu'on lui dit. Ça dépend de comment il vit ce qui se passe à l'intérieur de lui. Mais c'est parce qu'il devient dangereux, il l'est pas au départ. Mais non, il n'est pas au départ. Mais comme le paranoïaque, lui, là, qui pense que le KGB... Paranoïaque, c'est la même crise d'affaires. Mais il pense que le KGB dans la course commence à être... Ben oui, mais c'est... il est dangereux. Mais il sait pas, il pense que c'est la réalité, là. Il pense pas que c'est la réalité, c'est la réalité. C'est la réalité. Ben oui. Mais là, s'il tue... Nous sommes tous fous! Oui, oui. Mais il y en a des fous plus écologiques que d'autres. Oui. Mais ça, il serait même prêt à te l'accorder. Oui. Mais de lui dire que c'est pas la réalité. Okay, essaie de te rendre compte que t'es couché chez vous, t'entends des cloches. Beding, beding, beding, beding. Oui, moi, je dis, ben oui, non, c'est pas la réalité, il n'y a pas de cloche. Mm. Tout est là, beding, beding, beding, beding. À un moment donné, là, c'est qui le fou des deux? C'est vrai. Crime, lave-toi les oreilles. Fais quelque chose. Puis toi, tu vas lui répondre, ben voyons donc, mes oreilles sont propres, j'ai beau écouter, j'entends rien. Moi, je vais te dire, crime, c'est fort assez que ça m'assourdit la tête. Ben, les deux vont se traiter mutuellement de fous. Sauf que l'ego étant collectif, quand je vais aller voir, t'sais, viens donc, tu entends une cloche, hein? Il n'entend pas lui non plus. Deux fous. Comment là, ouais, 15 autres? Tous des fous. Mm. À un moment donné, l'ego finit par se dire, c'est moi qui est fou. Puis là, c'est là qu'il devient dangereux. Ben oui. Mais là, si tu lui donnes raison au départ, il n'y a pas de danger qui... Ben, c'est pas de lui donner raison, c'est au minimum de commencer par lui dire qu'effectivement, ce qu'il vit, c'est là. C'est la réalité. C'est pas plaisant, mais c'est là. Ben oui, c'est la réalité. Prends quelqu'un qui voit l'aura quand il est très jeune. Il crie à tout bout de champ, il voit plein de lumière tout partout. Non, mais voir l'aura, oui, mais c'est pas dangereux, mais si, là, il pense... C'est pas dangereux, ça dépend comment on l'instruit. Non, mais s'il pense que t'es Gorbatchev et qu'il t'assassine, là, parce que... Ah, mais ça se développe bien par après, ça, là. Mm. Parce que le paranoïaque, à un moment donné, il est tellement détruit dans son problème psychiatrique, psychologique, qu'il finit par se laisser manipuler par n'importe quelle trame. Alors, il va même se plaire, à un moment donné, à jouer des jeux, simplement parce que, ben, se plaire, on parle de l'ego, évidemment, on ne parle pas de la conscience à l'intérieur. Mais dans le début, le paranoïaque, une personne ne devient pas paranoïaque du jour au lendemain. Il y a énormément de paranoïa très, très, très, très insidieuse qui rentre lentement. Il a peur de ci, il a peur de ça, il ne fait plus confiance à personne. Puis, à un moment donné, il commence à penser que, justement, les choses sont de plus en plus contre lui. Puis le paranoïa, la problématique qu'il y a, c'est quand tu lui dis « je veux t'aider », ah, ça, il la connaît, celle-là, il attaqué, il lui dit ça. Il s'est fait prendre. Fait que « je veux te nuire », ah, ça, il le savait déjà. Alors, c'est là qu'est le problème, c'est que le paranoïaque est extrêmement difficile à rencontrer. On peut lui donner des médicaments de façon à couper les canaux biologiquement, t'altères le corps physique, couper les canaux qui permettent les agressions. Et après ça, on peut travailler avec pour reprogrammer l'ego. Quelle est la différence entre Lucifer et le Christ cosmique? Ben, une bonne question, hein? Lucifer, c'est l'enveloppe qui enveloppait le Christ avant son effusion planétaire. Lucifer est resté dans le contexte planétaire. Le Christ est effusé dans l'échelle planétaire à travers quelques milliards d'années. La dernière effusion était celle du Nazaréen. Par la suite, c'est en allé. Donc, Lucifer, c'est l'expérience supramentale du Christ à l'extérieur des contextes planétaires. Et c'est le père créateur de l'humanité. Une partie de l'âme. Et le Christ cosmique? Le Christ cosmique, c'est la mécanique supramentale à l'échelle du cosmos, qu'on appelle ésotériquement Michael. Mm-hmm. Et qui, évidemment, il faut faire attention au Christ, le Christ cosmique, que plus l'humain a accès à des réservoirs supramentales astralisés, donc le Christ cosmique, à un moment donné, s'est amené pour expliquer quelque chose au niveau du supramental. L'individu spirituel qui était écœuré du Christ finit par accrocher Christ cosmique, puis il aime ça. Alors, il faut s'entendre qu'est-ce que ça veut dire Christ cosmique. Mais le Christ cosmique, simplement, c'est le cosmos supramental, c'est donc simplement le phénomène supramental à travers la création. La différence, c'est qu'il y en a un qui est une enveloppe, qui est un récitant. Bien, Lucifer, c'est l'enveloppe de l'effusion en termes de faisceau du phénomène michaélien, il y a de cela quelques années. C'est ça, donc c'est un restant. Oui, c'est un restant. Mais là, il ne faut pas s'occuper des restants. Ben, c'est comme si je m'en vais puis je laisse $1 milliard en arrière parce que j'ai un peu de place, c'est un restant. C'est dans ce sens-là, c'est un restant. Effectivement, c'est un restant. Mais c'est un restant qui est bénéfique à... Ben, il est bénéfique à l'humanité, c'est évident, c'est l'humanité. Mm. Ah, c'est un restant. Tu avais déjà dit qu'Aurobindo avait créé son double et était en attente dans le plan Moronciel. Maintenant, tu dis qu'il est réincarné en plusieurs personnes. Un double, par définition, ne se réincarne qu'en un corps. Alors, est-ce que tu dis dépend de ton humeur? Est-ce que ce que tu dis dépend de ton humeur, de celle de ton ajusteur ou de l'espace-temps, ou si ton savoir est comme la fusion nucléaire inapplicable? Bon. Alors ici, on a soit un ego frustré ou soit un mental frustré ou soit pourquoi. Ça se peut un mental frustré? Mais c'est l'ego, évidemment, qui se prend pour le mental. Okay. Je parle de mental frustré. Bon, j'ai déjà expliqué. Alors, je vais faire un petit retour présentement ici. Lorsque l'être humain a un double éthérique, lorsque l'être humain crée un double éthérique, qu'est-ce qu'il fait? Chaque fois que l'être humain s'en égoïse, il grossit son double éthérique. À un moment donné, lorsque l'être humain arrive à fusionner avec son double éthérique, il garde son corps physique, il éthérifie son corps physique et il s'en sort. Si le corps physique de l'être humain n'est pas suffisamment solide, il risque de mourir avant. Toutes les parties de l'ego qui ont été anégoïsées, qui sont devenues le double éthérique, qui sont la réplique conforme de la conscience de l'individu dans le corps physique cohabitant encore avec le reste de l'ego, ces parties-là intègrent leur double éthérique et ne vont pas dans le monde de la mort. C'est pourquoi je dis que l'être humain est, de temps en temps, je l'explique, l'être humain a déjà des parties de lui qui sont immortelles. Sauf que ces parties, s'ils sont trop petites, peuvent se fusionner entre elles dans le plan moronciel, donc dans le plan éthérique, et se réincarner par la suite. À travers un autre être humain qui, quand on parle de réincarnation, ça veut dire une fusion avec un double éthérique relié à un corps physique en gestation ou un corps physique déjà en évolution. Dans le cas d'Aurobindo, c'est ce qui est arrivé. Une grande partie de Sri Aurobindo a été suffisamment égoïsée pour pouvoir engendrer un double éthérique dans lequel la partie conscientisée d'Aurobindo est allée. Alors que le reste de l'humain, comme le reste d'Aurobindo, le reste qui ne va pas dans le double éthérique, gagne le monde de la mort. Gagnant le monde de la mort, il se dilue dans le monde de la mort et devra se réincarner. Il y a autre chose aussi. Ça ne dépend pas de mon humeur, ça dépend simplement de la valeur de ce que je parle. C'est-à-dire que j'ai déjà expliqué bien souvent qu'il y avait dans l'expérience astrale un égrégore christique, un égrégore supramental du passage du Nazaréen, relativement pur. Mais qu'en même temps, il y avait les annales akashiques qui étaient de la mémoire astrale, de l'événementiel de l'époque, totalement non coloré. Mais qu'en même temps, dans le monde de la mort, il y avait des millions de Nazaréens engendrés par la vision sécrétative de ceux qui l'ont connu, de ceux qui l'ont haï, de ceux qui l'ont aimé, de tous ceux qui ont connu ceux qui l'avaient connu, et de tous ceux qui en ont parlé depuis. Donc, il y a des millions de Nazaréens qui se réincarnent régulièrement. Maintenant, quand on parle d'Aurobindo, la fois où j'ai fait la conférence, on parlait de l'essence supramentale d'Aurobindo. Je parle donc de ce double éthérique qui est dans l'attente. Celui-ci n'est toujours pas réincarné. Il attend d'être fusionné. Mère est un peu en retard, il y a d'autres personnages. Les parties d'Aurobindo qu'on parlait tout à l'heure, j'ai dit qu'Aurobindo était présentement réincarné dans différents corps et qu'il évoluait. On parle des parties qui sont arimaniennes, pas arimaniennes, ariennes d'Aurobindo. Une partie est réincarnée, une partie de mère est réincarnée dans Satprem. Une partie d'Aurobindo était réincarnée aussi dans Satprem, dans d'autres individus, dont quelques Français et quelques Américains. Il faut simplement qu'on pose la question. Mais qu'on déblatère tout le lot complet, ça ne me dérange pas personnellement, moi, sauf que la personne, dans sa question, elle s'oblige. Admettons que je ne réponds pas à la question. Dans la question, il y a les réponses. Présentement, elle pose une question, et si je ne réponds pas, elle s'oblige à prendre une réponse totalement désajustée avec plusieurs phénomènes de la réalité. Plus l'être humain, dans sa vie, s'en égoïse, plus il crée son double éthérique. On a déjà expliqué comment en séminaire, on l'a déjà réexpliqué en PMC+. On va le réexpliquer brièvement ici. Quand, à un moment donné, l'ego est suffisamment puisé dans les mémoires volatiles, outre la perte de mémoire de plusieurs choses, il y a transformation de l'énergie astrale en énergie vitale, projetée par l'ajusteur de pensée, par le canal, dans le plan moronciel. Début de création du double éthérique. Quand il n'y a plus d'ego, quand il ne reste que le périsprit, l'âme pure, il y a fusion entre le double éthérique et le corps physique de l'homme. Mais entre ça, et j'en ai déjà parlé, si le corps meurt avant qu'on ait fini de faire le double éthérique, la partie de l'astral qui a créé le double éthérique est remplacée par une correspondance mentale, la conscience. Cette conscience-là ne va pas dans le monde de la mort. Vous allez vous ramasser le plan moronciel, il va y avoir une division là, la partie qui est conforme au double va dans le double, et le reste gagne le monde de la mort de toute façon. Et là, c'est dilué, fusionné, etc., ça se réincarne par la suite. Dépendant de la grosseur, de la quantité d'énergie dans le double éthérique de l'individu qui vient de perdre son corps physique, il peut y avoir scission, donc pas scission, mais fusion, entre cette partie du double et un autre double similaire, comme il peut y avoir simplement régression dans le contexte matériel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aura un enfant quelque part qui va vous plaire, vous allez servir d'ajusteur de pensée de double éthérique, vous connecter à lui, commencer à l'anégoïser pour finaliser votre double éthérique. Le reste de vous qui était astral, qui gagnait le monde de la mort, c'est pas vous. Vous êtes le mental. Mais ce qui est incarné... Le reste de l'astral... Ce qui est incarné dans les personnes, c'est la personnalité de Sri Aurobindo. Toujours. Donc, c'est la partie la moins intéressante. Mais c'est toujours ça. C'est la mémoire. C'est elle qui se réincarne. Mais est-ce que la mémoire a expérimenté son double? Non. Donc, ça donne rien de vouloir réincarner sa bille en Sri Aurobindo puis de vouloir réincarner... Mais tu vas réincarner les mémoires d'Aurobindo. Tu vas réincarner l'expérience supramentale de son vivant. Tu vas réincarner l'expérience des gens, l'amour, l'énergie qui traîne au niveau robinique dans le plan astral, et tu vas pouvoir te l'attirer. Non, mais c'est mieux ça que bien des réincarnations. Oui, mais en même temps, nécessairement, tu vas aussi attirer et réincarner possiblement beaucoup de mémoires de ses disciples. La conscience du « je suis » est-elle une mémoire, donc une identification de l'âme de l'ego? Oui. Quand je dis et affirme « je suis », est-ce l'ego ou l'esprit qui parle ainsi et affirme ce qu'il est? Avant de dire ego, avant de dire ego ou esprit, je dois dire « je suis ». Avant d'être qui que ce soit ou quoi que ce soit, « je suis ». Oui, mais ça reste que c'est l'ego qui dit le « je suis » dans le sens d'identification. Le mental ou la conscience, l'intelligence peut aussi dire le « je suis » dans le sens de la communication. C'est pas pareil. Quoi? Parce qu'il faut qu'elle dise à d'autres personnes? Si je dois me dire « je suis ». À toi? Je suis l'intelligence. Non, c'est de l'ego. L'intelligence a vraiment d'autres choses à faire que de commencer à s'arrêter pour dire « je suis l'intelligence ». Si je dis à quelqu'un « je suis l'intelligence », c'est la communication. Là, possiblement que c'est l'intelligence qui parle. Ça peut ne pas être l'intelligence, c'est évident. La coloration existe. Mais quand un individu à l'interne se parle de « je suis », ce n'est pas lui. Donc, surtout que tu dis « je suis » et tu viens d'observer, d'écouter, là, ça c'est toi. Donc c'est quelque chose d'autre, d'inutile à se dire. À tout se dire seul, oui. Tout seul dans sa... À se dire oui, à le dire à l'astral, non. À le dire à d'autres, non. À le dire à notre ego, non. Bon, t'instruis ton ego. Le mental peut dire, je suis le mental et je n'ai pas peur. Alors tu vas cesser d'avoir peur. Là, c'est le mental qui communique. Qui est le dieu de l'ego. Oui, mais si tu te dis, voyons là, là, je suis le mental, je n'ai pas avoir peur. Là, c'est de l'astral. Il se parle à lui. Ça, c'est de l'astral. Tu as déjà affirmé dans une conférence que les parents se réincarnent dans leurs enfants. Qu'arrive-t-il à ceux, celles qui ne font pas de famille ou ne font pas d'enfants avant de quitter le corps dans cette phase de vie, par exemple? Reviennent-ils dans les enfants de leurs frères ou sœurs, s'ils en ont, ou des cousins, cousines, oncles, tantes, etc.? Non, ils se réincarnent plus, c'est fini. Capote. Quoi? Ouais, c'est vrai? Bon, hein, c'est des drôles de farce, hein? Je pensais que c'était dramatique, à part à rire. J'ai parlé aussi dans différentes conférences de la mécanique de l'imprégnation. Donc, si on n'a pas d'enfant génétique, il suffit simplement de travailler avec des jeunes, même d'autres adultes, des adultes qui en auront des enfants. Et par l'imprégnation, on se garantit une réincarnation dans une lignée. Alors, je ne veux pas élaborer sur l'imprégnation, j'en ai déjà parlé pour pouvoir y revenir, mais pour l'instant, il y a beaucoup de questions. J'ai toujours l'idée d'être sur le chemin de MTS. L'idée vient et repart. Je sais que j'ai un ego puissant et il m'empêche de m'autodiscipliner. Alors, il se fout et c'est dangereux. Il y a aussi le doute. Donc, je ne sais pas comment saisir se foutre de tout et de rien. Est-ce que le doute est de la fausse humilité? Si oui, est-ce que ça fait partie du MTS? Sinon, de quoi, Suzanne? Le nom, c'est pour moi. Ah, OK. Bon, premièrement, une chose qui est très importante, c'est qu'une personne qui se demande si elle est un MTS n'est pas un MTS. Le paranoïaque se dit pas, hey, peut-être que je suis paranoïaque. Le schizophrène, il se dit pas, peut-être que je suis schizophrène. Il n'y a pas de danger là. Bon, le MTS ne se pose pas la question. Par contre, il y a des phases de l'évolution qui sont pénibles lorsque l'individu arrive, lorsque l'enfant adulte arrive à l'adolescence adulte. La personne, elle a besoin de plus en plus de créneaux pour s'exprimer. Elle a besoin de développer sa parole ou son écriture, mais de développer son expression. Elle a besoin de créer, c'est-à-dire de laisser sortir des choses qui finissent par engendrer chez elle des mécaniques épineux. Se foutre de tout, se foutre de rien, c'est que la personne, elle sait ce que c'est, puis elle n'est pas encore parvenue à instruire son ego que ça se pouvait. C'est parce que se foutre de tout et de rien, comment pouvons-nous arriver à nous foutre de tout en nous foutant de rien? Pour l'ego, c'est un paradoxe. Le mental de la personne ici le sait, elle comprend. L'ego ne comprend pas, l'ego est mal instruit. Comment l'instruire? Logiférer, intelligencer les choses. Il y a toujours une chose qui est évidente, c'est prenez, gardez le temps. Le temps arrange les choses, le temps est fait pour ça. Et ne venez pas dire, oui, mais là, ça fait déjà pas mal de temps. Ça fait jamais pas mal de temps. Si 1% de Dieu est dans l'homme et l'autre 99% en attente, pourquoi ne suis-je pas dans ce 99% qui attend afin de l'inutile, sans souffrir, au lieu du 1% de la tarte? Et si je suis ce 99%, à quoi ça sert si je n'en ai pas? Si je n'en ai pas conscience, c'est comme si je n'étais pas. Je suis un peu tannée d'être une pointe de tarte. Autrement dit, qu'est-ce que la conscience fout dans mon corps? Est-ce le corps dans la conscience dans le corps ou les deux? Bon, qu'est-ce que la conscience fout dans ton corps? Alors, je vais répondre, comme dans les courriers du cœur. Cher égo. La conscience dans ton corps est justement la mécanique qui permet ton corps, qui permet aussi toi-même, et qui te permet d'avoir suffisamment d'énergie d'information pour poser une telle question. Éliminer la conscience de ton corps, cher égo, équivaut à cesser d'être. Est-ce que je suis 80... Pourquoi ne suis-je pas 99% qui attend? Cher égo, tu es finalement le 100%. Et là, c'est le 1% qui pose la question. Le 99 est là. Il ne pose pas de questions, il ne se plaint pas parce qu'il ne souffre pas. Quand on a mal à l'orteil, mais on ne se frotte pas les mains. C'est l'orteil qui a mal, et l'orteil aimerait être le corps. Elle est le corps. Mais le 1%, c'est l'orteil. Elle se plaint de ce qu'elle... Elle se plaint, mais elle est main pleine. Ah ben oui. Oui, c'est pourquoi je dis qu'on doit attendre, se plaindre toujours, à moins que ce soit dans une technique pour travailler l'astral en haut. C'est quoi? C'est quoi? L'humain, c'est... Si je pourrais vous faire écouter l'enregistrement des annales akashiques des 2000 derniers millions d'années en plainte humaine à toute vitesse. C'est pourquoi la spiritualité était engendrée, pour que l'humain cesse de se plaindre. C'est pourquoi on disait, ben on va fêter, on va danser. On va prier. Ça passe le temps. Quand on devient plus intelligent, plus conscientisé, plus mentalisé, plus supramentalisé, on a des visions de l'avenir. Et on devient moins spirituel. Et là, on a hâte. On doit aussi attendre. Cessez d'obliger que tout ce que vous vibrez arrive. Attendre. Attendre dans l'actif, ça veut simplement dire faire ce que je fais, faire ce pour qu'on a fait off ça. On regarde voir si c'est ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Est-ce que ça veut dire que tout est faux? Ça veut dire que c'est pas le temps. Et puis on recommencera à un moment donné s'il y a lieu, sinon on commencera d'autres choses. Mais dans notre attente, c'est que la vibration se précise. Absolument. Sinon, pourquoi l'humain qui attend finit par attendre de plus en plus, t'es écœuré d'attendre? C'est justement que la vibration se précise. Alors ça le fait de plus en plus chier. Puis à un moment donné, elle va se préciser assez qu'en même temps, les choses vont se faire toutes seules. Donc, c'est pas vrai qu'il attend. Il passe le temps. Est-ce que on me demande tout à l'heure, il y en a un qui me disait, « Oui, mais qu'est-ce qui t'a pris de décider de venir travailler avec nous autres? » J'ai répondu, « Je m'en rappelle plus. » Bon, c'est plus simple, hein, ça va éviter les discussions. Mais qu'est-ce que je fais? Je passe le temps. L'humain va dire, « Oui, mais pourquoi t'as pas de coucher? » Puis dans 20 ans, si c'est le temps, tu te lèves, tu viens. Parce que, comme tout à l'heure, tu me posais la question, « Mais parce que bon, c'est plus con de passer sans coucher, c'est plus lent. » Je passe le temps, je voyage plus rapidement, présentement. Une petite chose que j'aimerais rajouter, et c'est la fin, c'est qu'il y a une feuille qu'on vous a remise tout à l'heure en ce qui concernait certaines choses. Un petit 10-15 minutes après la conférence, donc immédiatement, je vais rester pour ceux qui sont intéressés de poser des questions ou d'en savoir un peu plus, soit sur l'Académie PMC, soit sur des projets comme le projet Majoville qui est relié à la feuille que vous avez eue, soit sur le groupe financier Investor, soit sur comment on peut en bénéficier ou comment on peut y participer. Enfin, si vous avez des questions sur la chose, sur le sujet, je reste 10-15 minutes ici. Vous pouvez rester ici, puis on pourra directement parler de ce sujet-là. Je ne vais pas le faire pendant la conférence, ce n'est pas le sujet de la conférence. Ceux qui ne peuvent pas, question de temps, qui seraient intéressés, vous devez téléphoner demain au bureau. Et puis, on vous dira quand il y aura une réunion d'information pour justement aussi vous mettre au courant pour ceux qui sont intéressés. C'est un projet qui regarde l'intelligence. C'est un projet nécessairement qui s'adresse à vous autres. C'est un projet qui peut permettre, premièrement, d'aller chercher de l'argent, chacun. Deuxièmement, de bénéficier du cadre dans lequel on va aller en chercher. Cela veut dire qu'on risque de se donner du temps tout en se donnant de l'argent. Puis, troisièmement, ça va nous permettre ou vous permettre de continuer la progression d'évolution que vous avez commencé. Ça peut permettre ça. Évidemment, il y a des critères minimums de quantité de gens et de quantité d'argent. Ça, si ça a à se faire, on va s'arranger pour aller chercher les deux critères. Mais le projet lui-même peut permettre ça.